Deux techniques de montée en vibration, méthode complète. Voici deux techniques de montée en vibration détaillées et complètes. Technique 1. La méditation guidée de montée en vibration. Préparation. Trouvez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position détendue. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Ancrage. Commencez par vous ancrer dans le moment présent. Portez votre attention sur votre corps et sur les sensations physiques que vous ressentez. Sentez le sol sous vos pieds ou le support sur lequel vous êtes assis. Cela vous permettra de vous connecter avec la réalité physique et de vous centrer. Relaxation. Passez en revue chaque partie de votre corps, en relâchant les tensions et en vous détendant progressivement. Commencez par les pieds et remontez lentement jusqu'à la tête. Sentez chaque partie de votre corps se détendre complètement. Visualisation de lumière. Imaginez maintenant une lumière blanche et brillante qui émane du centre de votre être, votre cœur spirituel. Visualisez cette lumière s'étendant progressivement à travers tout votre corps, enveloppant chaque cellule et chaque organe d'une énergie vibrante et positive. Expansion de la lumière. Laissez cette lumière s'étendre au-delà de votre corps physique, formant une bulle de lumière protectrice tout autour de vous. Sentez-vous enveloppé par cette énergie bienfaisante. Élévation de la vibration. Imaginez maintenant que cette lumière se transforme en une énergie de plus en plus lumineuse et vibrante. Sentez cette énergie élever votre vibration intérieure, en libérant toutes les émotions négatives et en vous connectant à votre essence spirituelle. Affirmation positive. Répétez mentalement des affirmations positives, telles que « Je suis aimant et aimé », « Je suis aligné avec mon but divin », « Je suis en harmonie avec l'univers ». Ressentez chaque affirmation avec conviction. Profitez de la sensation. Restez dans cet état de montée en vibration aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez de la sensation d'expansion, de légèreté et de connexion spirituelle. Conclusion. Lorsque vous êtes prêt à terminer, remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous connecter à votre être profond. Prenez quelques respirations profondes pour revenir doucement à la conscience du moment présent. Technique 2, le travail sur les chakras. Compréhension des chakras. Les chakras sont des centres énergétiques situés le long de la colonne vertébrale, chacun étant associé à des aspects spécifiques de notre être. Commencez par vous familiariser avec les 7 chakras principaux, racines, sacrés, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et couronne. Auto-évaluation. Asseyez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Prenez quelques instants pour vous observer intérieurement. Notez les émotions, les sensations physiques et les pensées qui émergent. Prenez conscience des chakras qui pourraient être déséquilibrés ou fermés. Méditation sur les chakras. Commencez par le chakra racine et imaginez une lumière rouge éclatante à sa base. Visualisez cette lumière se renforcer et éliminer toutes les peurs et les incertitudes. Continuez ensuite avec chaque chakra, en visualisant la couleur associée à chacun et en renforçant leur énergie. Affirmation pour l'équilibre. Pour chaque chakra, répétez des affirmations positives liées à sa fonction. Par exemple, pour le chakra du cœur, vous pourriez dire « J'aime et je suis aimé inconditionnellement ». Ressentez l'énergie de chaque affirmation dans le chakra correspondant. Pratique régulière. Le travail sur les chakras est une pratique continue. Prenez l'habitude de méditer sur vos chakras régulièrement pour maintenir leur équilibre et leur alignement. Expression créative. Utilisez des moyens créatifs tels que la musique, la danse, l'écriture ou l'art pour exprimer et libérer les émotions bloquées dans vos chakras. Évolution continue. La montée en vibration à travers le travail sur les chakras est un processus évolutif. Soyez patient avec vous-même et soyez ouvert aux changements progressifs qui se produisent dans votre vie à mesure que vous vous connectez davantage à votre soi profond. En conclusion, la montée en vibration à travers le travail sur les chakras et la méditation guidée est une pratique puissante pour se connecter à notre soi profond, libérer les énergies négatives et élever notre conscience spirituelle. En étant dévoué à cette pratique régulière, vous pouvez expérimenter une vie plus épanouissante et en harmonie avec votre essence spirituelle. Page 7, nous allons justement parler des chakras en détail. Page 7.